Maman, quoi de plus à réclamer au Christ? Des mômes t'en as eu, cependant dans la merde de soucis, deux autres t'en ont foutu. Didier et Claude, qu'avez-vous fait ces conseils? En d'autres pas, ces tests redisent la vie gangster dont vous menez. Les mauvaises compagnies ont corrompu vos bonnes mœurs. Hey, gangster, que vous fassiez partie de ma famille ou pas, faire pleurer celles qui ont porté une vie est un acte comparable au crime. Un coup de larmes, ça avait transformé les espoirs de maman. Avoir une grossesse, un bébé, un adulte, et voir sa progéniture traîner à l'arrière d'un barreau. Il y a de quoi couler les larmes de détresse. Quant à mon sujet, ne vous inquiétez pas, anticonformiste, accord, accord, hein. Comme tout un danger, un poids lourd, un autre important pour mon avenir. Grand frère, grand frère, petit frère, petit frère, vous avez perdu le contrôle. Le contrôle vaut le coup de prendre l'arme positive. Positive, grand frère, grand frère, petit frère, petit frère, vous avez perdu le contrôle. Le contrôle vaut le coup de prendre l'arme positive. Positive, vaut le coup de prendre l'arme positive. Positive, deux fois, trois fois, un, trois fois de suite pour les mêmes bêtises. À l'arrière de barreaux comme des préjugés. Pour une seconde fois, les juges n'auront pas du mal à vous impulser une peine maximale. Grand frère, la bullshit a fait de toi la cible des flics. Et tu vois là la jambe, par pitié, t'as échappé à la mort. Ainsi, t'as réussi à t'en procurer ma trucule pour l'arrière de barreaux. Deux week-ends, après liberté, tu réintègres la même bande. Qu'en penses-tu de celle qui t'a appris à marquer ton premier pas? Et positivement, a voulu faire de toi un homme. Petit frère, la ferme, dans les rues pourries de Marquepin, volatisant les doigts des crèches inconnues. Plusieurs armes braquées sur le corps, vivre ou mourir, t'as bien raisonné, renoncé à la fuite et réussi à t'en procurer un matricule de survie. Pour les flics dans la rue, t'es devenu un élément à surveiller de très près. Qui suis-je? Bien faire pour toi, hein? Grand frère, grand frère, petit frère, petit frère, vous avez perdu le contrôle. Le contrôle pour le coup de prendre l'arme positive. Positive, grand frère, grand frère, petit frère, petit frère, vous avez perdu le contrôle. Le contrôle pour le coup de prendre l'arme positive. Positive, pour le coup de prendre l'arme positive. En confidence avec maman, elle m'exposait ses douleurs. En effet, petit frère, dans la rue du Walter, car apprivoiser ta solitude. Je t'en prie, Claude Valet, reviens à la maison, converti pour un nouveau départ. En ce qui te concerne, grand frère, la bullshit t'a induit dans le retard. En bref, dans ton esprit, cette histoire devrait pas réunir en grand maître. Et ça, tu le sais. Grand frère, grand frère, petit frère, petit frère, vous avez perdu le contrôle. Le contrôle pour le coup de prendre l'arme positive. Positive, grand frère, grand frère, petit frère, petit frère, vous avez perdu le contrôle. Le